Arabia Mix Party. Personne t'importe une haine, demain c'est le ride. Mabrouk le costume, hein. On parle vrai, on parle de paix. Chaque été on vient s'amasser. On parle en vrai, on parle en gay. Parti de Rami, petit fricassé. Hey, khadra, fouf la l'hadra. Khali bark, rabbi zahel. Comme un taraji, le friki. Glebe sfirksi, l'étoile du zahel. Hey, sahbi, viens faire un tour. J'emmène de ta barca, alhamma, en taxi. Ami chifour, khali, imchi, dabba, dabba. Bizarre.